Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'année de Podcast Science numéro 18, avec Mathieu toujours. Salut Mathieu, t'es rentré? Oui, salut professeur Fon, je suis même en Suisse, donc on est tout près l'un de l'autre, Magnifique. à quelques kilomètres. Ouais, bah c'est super. Tout s'est bien passé, vol de retour détendu, le changement climatique est pas trop violent. Tout s'est bien passé, le vol de retour le 31 décembre, donc j'ai passé le nouvel an, même pas dans l'avion, mais dans la file d'attente, dans l'embarquement. Ah ouais, Donc c'est original c'était ça. original, ouais. Ouais, sympa. Et cette semaine, donc, on a une troisième personne avec nous qui n'est pas Antoine. Antoine nous a lâchés. Il a d'heureuses choses à fêter. Il est au restaurant. Mais nous avons la chance d'avoir Lucille Zand avec nous. Donc, Lucille, bonjour, t'es là? Oui, je suis là. Ben, sois la bienvenue. Merci. Donc Lucille, c'est la personne qui illustre depuis quelque temps certains de nos sujets. Donc on retrouve ces illustrations sur le blog. On a eu l'occasion de se rencontrer, enfin on ne s'est jamais rencontré physiquement pour changer, c'est nouveau, complètement virtuel tout ça. Parce que Lucille, tu es étudiante en master de communication scientifique. Voilà, exactement. Et puis à ce titre, tu participes à un projet qui s'appelle legrandpublic.fr, Oui, qui est... exactement. Qui est Voilà. un journal en ligne sur la médiation scientifique. Voilà, journal en ligne qui s'est intéressé à notre activité. Tu m'as Exactement. interviewé pour un article à paraître au mois de mai, sauf erreur. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, Et donc vous c'est. cherchez, vous interviewez, ouais, c'est ça. Ouais, alors ça c'est quand même chouette. Donc c'est ouais, c'est comme ça, c'est par cet intermédiaire qu'on a fait ta connaissance. Et puis, on est ravis de t'accueillir parce qu'on a très envie d'en savoir un peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais, et puis sur ton cursus. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Peut-être encore juste dire que tu es l'auteur du blog C'est pas si sorcier. Exactement, Alors ouais. qu'il y a une URL un peu impossible, mais enfin, Oui. on la mettra en lien. C'est vidumastercs.wordpress.com. Voilà. C'est un blog qui raconte un peu la vie de mon master à travers quelques anecdotes dessinées. Ouais, brillamment illustré. Merci. C'est vraiment très chouette. Merci. Ok, donc tu fais un master en communication scientifique, et technique à l'université de Strasbourg. C'est une nouvelle filière, ça a toujours été un master? Alors, en fait, le master a été créé à la base en 1993. Depuis, il y a 300 étudiants à peu près qui sont passés par la formation. Mais à la base, il s'agissait du DES, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'était un diplôme qui durait seulement une année et qui se déroulait après la maîtrise. Et en fait, après la réforme LMDE qui a été appliquée, la formation est devenue un master en 2 ans. Un master professionnel. D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris aux acronymes. On n'a pas les mêmes de l'autre côté de la Ah frontière. oui. Ouais. Ah, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas coordonné entre la Suisse et la France. Mais ce master, c'est un master européen avec Bologne et tout ça qui rentre dans... Ou pas du tout. Bah, c'est un master, un master français, quoi, Ouais. qui existe en France, ouais. 120 crédits. Exactement. Ah non, c'est un master européen. Ouais, donc il y a toutes les histoires de Ah. crédits. Tu peux convalider, je pense, tes crédits avec d'autres universités, des choses Ah comme oui, ça, voilà, non? oui, Ouais. c'est ça, exactement. En D'accord. fait, c'est ça. C'est un master, voilà. Avec justement cette réforme licence, master, doctorat, ça permet justement d'avoir des crédits et de valider dans d'autres pays d'Europe. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est chouette. Puis là, donc il dure 2 ans de master. Exactement, T'es ouais. en première ou en deuxième? En deuxième année, là, cette année, ouais. D'accord, la première s'est bien passée alors. La première, c'est bien. Manifestement. Enfin, pour toute la promotion, ouais. C'était une très bonne année. Ah, c'est chouette. Puis quels sont les critères de sélection? Comment on Alors, fait pour y entrer? on peut avoir deux parcours complètement différents. Donc, pour moi, par exemple, qui est étudiante, je suis entrée dans ce master après une licence en sciences de la nature. Enfin, pour moi, c'était une licence en biologie, mais pour d'autres, c'était en physique, en chimie. Donc voilà. Et donc les critères qu'il fallait pour rentrer dans ce master, c'était de posséder un certain nombre de crédits, donc comme on en a parlé dans des langues, mais aussi dans des disciplines du champ des sciences sociales, par exemple la communication, l'éducation, mais aussi l'histoire des sciences, la bioéthique, ce genre de choses. Et on devait aussi prouver un intérêt pour la vie associative ou avoir une activité artistique ou culturelle. Voilà, montrer une certaine ouverture. Tout ça, c'était sur dossier. Et aujourd'hui, c'est complété aussi d'un entretien. Voilà. Et il D'accord. existe aussi, pour ceux qui ne sont plus étudiants, une possibilité d'entrer dans le master, mais en deuxième année cette fois-ci, en tant que formation continue. Ah, chouette. Voilà. Ouais, ça fait partie des questions que je voulais te poser par intérêt personnel, comme ça, pour peut-être un jour, qui sait. Donc, c'est possible. C'est possible, voilà. Ah, Pour c'est génial. voilà, par contre, c'est pour des gens qui ont suivi une activité salariée dans le domaine des sciences. Ouais, alors ça c'est autre chose encore. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais professeur Fon, est-ce que tu as entendu parler, toi, de formations similaires en Suisse? Moi, j'ai jamais entendu parler de formation de master en communication scientifique en Suisse. Non, moi non plus, rien du tout. À ma connaissance, non, il n'en existe pas en Suisse, mais Ouais, c'est peut-être que je me trompe. dommage. Mais par contre, vous avez beaucoup d'initiatives de culture scientifique et de centres de culture scientifique en Suisse. Ouais, et même un podcast C'est amateur. vrai. Exactement. Par rapport au contenu de la formation, les thèmes abordés sont donc spécifiquement scientifiques. Enfin, vous ne parlez que de sciences. Alors, de sciences, on va dire sciences au sens large, ça peut être les sciences de la nature, mais on peut parfois aussi parler de sciences humaines. Et on parle aussi, dans nos écrits, par exemple, sur le grand public, on parle de la médiation scientifique. Ce n'est pas des sciences au sens pur, mais D'accord. voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend exactement par médiation scientifique? Qu'est-ce qu'on entend exactement? La médiation scientifique, c'est un peu faire le lien entre les sciences, entre deux sphères qui sont les scientifiques, donc le savoir scientifique brut, et ce qu'on appelle, on va dire vulgairement, le grand public. D'accord. Donc les gens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas ce statut de scientifique, quoi. Donc vous faites les intermédiaires un peu entre les scientifiques Exactement. et le grand public. Voilà. D'accord. Alors après, on peut le faire de plusieurs façons, en expliquant les sciences, comme vous le faites. Là, vous êtes des médiateurs scientifiques à travers votre initiative de podcast, mais ça peut être, je sais pas, par exemple, en accompagnant un chercheur pour qu'il explique ses recherches ou en proposant, je sais pas, des documentaires, en faisant des festivals autour du film scientifique. Enfin, il y a plein de façons de faire de la médiation scientifique, oui. Ouais. D'accord. Médiation par opposition à communication, vulgarisation. Alors, c'est pas des oppositions, c'est trois thèmes qui sont assez ambigus parce que ils représentent des idées assez communes et assez difficilement séparables, quoi. Vulgarisation, c'est vraiment l'explication, on va dire, de nos sciences scientifiques, enfin tout ce qui va être expliqué et pas simplifier, mais rendre accessible le savoir scientifique. Et la communication, c'est vraiment au sens large, promouvoir les sciences, montrer. Mais c'est des termes, tous les trois, qui sont très larges, qui se recoupent et en même temps. Ouais, c'est ça. À partir du moment où on fait de la médiation, on est forcément un peu en train de vulgariser, puis de toute façon, on est en train de communiquer, quoi. Exactement. Ok, dis, pour ton parcours, donc tu as dit qu'il fallait. Enfin, pour être admise en master, tu as dû faire preuve d'intérêt pour la vie associative et démontrer d'une activité artistique, c'est ce que tu as dit? Alors, ça dépend, c'est pas. Ça, c'est un des plus qui fait bien dans le dossier. Ah, d'accord. Après, il faut avouer que tout le monde dans notre parcours a en général un intérêt pour soit une activité culturelle, soit une activité artistique ou une activité dans la vie associative, en effet. Ok, bon toi tu cumules, tu sais dessiner. Je cumule un peu les trois, oui. Ouais. Tout le monde, enfin, tous ceux du master font en tout cas partie d'une association, l'association Cyclope. du master, qui a un nouveau site d'ailleurs, cyclopasso.fr, et qui propose diverses activités justement de médiation scientifique. Ok, là aussi on mettra le lien sur la page de l'émission. Je fais un peu de leur pub. Bah, t'as raison. Et dis-moi, la filière est populaire, donc tu as dit qu'il y a eu 300 étudiants depuis 93, 93, c'est pas 300 par volée, c'était 300 en tout? Non, 300 en tout, on est des petits promos en fait. D'accord, vous êtes combien à Strasbourg? On est cette année, on est 16. Ah ouais, effectivement. Ouais. C'est des promos voilà, assez restreintes, et c'est, enfin, pour tous les masters c'est un peu comme ça, les masters en communication scientifique, parce que le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, et ils ne veulent pas non plus le saturer. Le saturer, exactement. Ouais. Nous sommes des petites promos. C'est une population plutôt féminine, masculine? Alors, ça dépend des années. Depuis quelques années, on observe une tendance plutôt féminine, avec une tendance aussi de parcours qui sortent, enfin des gens qui sortent de biologie. Mais ce n'est pas une généralité. C'est juste quelques observations des deux ou trois dernières années, ouais. D'accord. Et puis, bah, je pense que la grande question pour vous, c'est la question des débouchés, non? Oui, exactement. Ça, on sait un peu à l'avance. Enfin, vous avez une idée. Il y aura de la place pour tout le monde. Alors, on espère en tout cas. Normalement, oui, c'est une filière qui amène quand même à certains débouchés. Donc, c'est des débouchés dans trois grands types de structures. Donc, nous, on est amené à travailler donc soit au sein de musées de sciences ou les centres de culture scientifique et technique, pardon. Donc là, on fera plutôt donc le métier de médiateur, de concepteur d'exposition, ce genre de choses. D'accord. On peut travailler aussi au sein de laboratoires ou d'institutions comme des universités. Donc là, on aura plutôt le rôle d'un chargé de communication ou d'un acteur au sein d'une mission culture scientifique, par exemple. Ça, c'est ce qu'il y a dans les universités. Et on peut aussi travailler au sein d'agences de presse ou dans des médias. Et là, on aura plutôt un rôle de journaliste, rédacteur, documentaliste, tout ça. D'accord. Puis toi, tu sais déjà quel type de débouché professionnel tu aspires? Alors moi, j'aspire plus à devenir rédactrice. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Rédactrice de contenu scientifique, donc soit sur le web, soit sur des versions papier. Et pourquoi pas à destination de la jeunesse. Après, okay. je me spécialise pas trop pour pas me fermer de porte, mais à long terme, ouais, c'est là où j'aimerais aller. D'accord. C'est un truc que tu as toujours voulu faire ou l'idée de suivre ce cursus est venue sur le tard? Il y a eu un déclencheur? Alors, je l'ai su assez tard en fait. À la base, j'étais pas forcément passionnée de sciences, mais comme j'étais à l'aise dans ce domaine, j'ai passé mon bac avec option scientifique. Ben voyons. Et ensuite, je suis partie en biologie, donc à la faculté de biologie, et je n'étais ni intéressée par l'enseignement ni intéressée par la recherche. Et j'ai trouvé cette voie qui a été pour moi la parfaite alternative. Et voilà, et pour moi, c'est un super cursus parce que ça m'a permis à la fois d'utiliser mes connaissances scientifiques que j'avais accumulées au cours du temps, mais aussi de mettre à profit toutes mes compétences créatives, quoi. Un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. Effectivement, plutôt génial. Hein. On est des privilégiés, voilà. Et pourquoi Strasbourg en particulier? Parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres cursus, non? Exactement. Alors, pourquoi Strasbourg Parce que alors Strasbourg est plutôt orienté, oui, justement, vers la médiation scientifique, même si ça évolue au cours du temps. Au départ, à la base, il était plus orienté vers la médiation scientifique. Et, donc, du coup, tout ce qui était conception d'exposition. Le programme est très... très attirant. On fait beaucoup de choses. On fait du théâtre scientifique, on fait de la vidéo, on fait... Par rapport à d'autres, peut-être d'autres parcours qui sont plus axés sur la communication d'entreprise, communication, ce genre de choses. Je pense par exemple au master de Grenoble. Et, et ou alors des masters qui sont plus axés sur le journalisme, enfin vraiment spécialisés sur le journalisme, et ça je pense à la formation de Lille ou de Paris 7. D'accord. Donc en gros, les gros pôles de formation en master en communication, c'est comme tu as dit, ben, il y a Strasbourg, Grenoble, Lille, Paris, il y en a des autres ou... Oui, il y a Bordeaux et Marseille, en effet. Alors, si je me trompe pas, il me semblerait que ceci soit plutôt spécialisé dans la communication, mais dans le domaine de la santé, il me Ah, de semble. la santé, d'accord. Voilà. Ok. Et puis donc, chez vous, c'est pas de la communication classique, genre marketing? Alors, si on a du marketing. Ah ouais? En fait, on a des cours assez variés. Donc, on a des cours qui nous apprennent les outils de la communication classique, on va dire. Donc, on va avoir des cours, par exemple, sur les grandes théories de la communication ou des cours sur la gestion de projet ou de la gestion d'entreprise. Et on a aussi des cours de marketing. Mais à côté de ça, on a des cours et aussi des projets qui se rapportent vraiment à des projets spécifiques à la communication scientifique. D'accord. Genre, vous travaillez sur les contenus, je sais pas, on vous apprend à trouver des métaphores ou d'autres techniques de vulgarisation, à raconter une histoire? Alors, c'est plutôt un travail qui se fait personnellement. Ça, on D'accord. l'apprend finalement à travers les cours de journalisme scientifique. Donc, on écrit beaucoup dans ce master, on rédige beaucoup d'articles qu'ensuite on soumet lors de nos cours aux autres étudiants et à notre responsable qui, eux, vont nous faire des critiques en fait. Et en fonction de ces critiques, on améliore notre style et voilà, enfin. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on apprend évidemment à écrire sous différentes contraintes. Par exemple, on va avoir à faire des interviews ou je ne sais pas, des comptes rendus ou des brèves. On apprend aussi à écrire pour certains publics. Par exemple, pour un public, je ne sais pas moi, de seniors qui seraient intéressés par la santé ou ce genre de choses. Enfin, ou un public D'accord. enfant. Ça peut être des publics très variés. Ok, est-ce qu'on vous apprend à faire des débats face à des créationnistes? Alors, j'aurais envie de vous dire, de vous référer, mais il n'y est plus malheureusement. Il y avait le dernier dossier du grand public qui est sorti et qui était justement sur le thème des scientifiques face aux créationnistes. Ah, d'accord. Et qui était très très intéressant. Malheureusement, en fait, le dossier est parti. Et il n'a pas été archivé. Donc, si vous envoyez un petit mail gentil, enfin, on vous l'enverra. Ah, bah oui, alors sûr. On va envoyer un petit mail gentil. Mais voilà. Enfin, on ne nous apprend pas spécifiquement, mais on s'y intéresse de près. D'accord. Bon, en Europe, il n'y a pas trop de créationnisme encore, ou quand même. C'est plutôt aux États-Unis, non? Ou quand même, ça se développe en Europe mais... Alors, le mouvement du créationnisme. Pas tellement, mais ce qui en vogue, c'est le climato-sceptisme plus, ouais. Sur lequel on s'intéresse. Ouais. Ouais, et puis en Suisse, il y a quand même des incursions. Il y avait cette conférence créationniste à Beaulieu qui a fait salle pleine. Donc c'est une salle de spectacle à Lausanne. Mm-hmm. Je ne me rappelle plus comment s'appelait le gars, un Turc complètement allumé. Qui a fait fermer WordPress d'ailleurs en Turquie. Enfin, c'est un type effrayant, quoi. Bon, son nom me reviendra peut-être. Mais enfin, voilà, toujours est-il que, ouais, apparemment, la Suisse, donc j'imagine le reste de l'Europe aussi, devient une cible intéressante pour ces gens-là, quoi, qui arrivent à trouver du monde, qui arrivent à communiquer. Il y a une autre question que je me pose, comme ça tu auras peut-être une opinion dessus, peut-être que tu pourras nous aider. Je ne veux pas donner de nom, mais enfin il y a un troll qui pollue systématiquement les blogs et les forums liés à la science pour diffuser des idées anti-scientifiques, révisionnistes, négationnistes. Et puis ouais, voilà, on se demandait est-ce qu'on doit lui répondre. Je sais pas, toi, t'as une idée personnelle sur la question? Est-ce qu'on peut discuter avec ces gens-là? Moi, j'ai pas forcément une idée personnelle sur la question. Après, ce que je peux vous proposer, c'est de vous référer justement à un manifeste qui s'appelle le manifeste Révolutions, qui se trouve sur le site revolutions.e et qui se propose en fait de redéfinir précisément les rôles de la culture scientifique et technique et qui a été approuvé par beaucoup de signataires. Et donc on dans en avait parlé le... d'ailleurs dans Podcast Science il y a quelques temps. Ah bah génial. Ouais, mais alors tu vois, j'avais pas lu jusqu'au bout, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une position également là-dessus. Et du coup, ouais, voilà, donc il y a une partie de ce manifeste sur le rapport avec les publics et qui suggère d'instaurer un dialogue entre toutes les visions du monde dans le but de transmettre, enfin pardon, de mettre en évidence progressivement les spécificités et l'intérêt pour chacun selon les circonstances et les besoins de l'approche scientifique. Donc finalement, moi, ce que j'ai envie de conclure, c'est l'attitude à avoir, c'est pas forcément d'ignorer, ni de dénoncer ou de montrer du doigt, mais de répondre en prenant compte la remarque, on va dire, en bannissant, et aussi surtout, voilà, en bannissant toute possibilité de surenchérissement qui amènerait à un débat complètement stérile et absurde, quoi. Ouais. Bon, tu vois, professeur Fudge, il reste à faire. Je sais que c'est compliqué, mais je ne pense pas que rentrer dans un débat apporte forcément des solutions. Et ça me fait aussi montrer plus de visibilité à ce genre de parti. Ouais, justement, ouais. Et en même temps, ignorer, ce n'est pas non plus la solution, quoi. Il faut trouver une façon de répondre. Et là, toute la subtilité est là-dedans. Bon, mais on va tâcher de faire preuve d'imagination. C'est pas gagné. Non, c'est assez complexe hein, comme problématique. si on en revient un peu au contenu du cursus, quels en sont les modules ? Alors, le cursus, il y a plusieurs modules. Donc, il a des cours, on va dire, assez théoriques et des cours beaucoup plus pratiques, des cours de projet. Et donc, on a énormément de modules à dire. Mais dans les projets, on apprend en fait à manipuler différents supports de communication, comme la vidéo, le théâtre. On fait du théâtre scientifique aussi. Oui, t'en as parlé avant. J'étais pas sûr d'avoir très bien compris. Du théâtre scientifique, ça consiste en quoi ? Alors, notre projet cette année auquel on a abouti, c'était de construire une scénette, donc réaliser le scénario et de la jouer après sur la controverse sur l'alimentation, en fait. Donc, on devait trouver une controverse en relation avec l'alimentation et la mettre en scène. Donc, vous créez d'une part un scénario autour d'une thématique scientifique et après, vous la jouez. Exactement, ouais. On fait ça. En essayant d'apporter des éléments scientifiques, tout en essayant de rester aussi assez léger pour pas, pas bombarder les gens de notions compliquées, des chiffres, ce genre de choses, mais de faire réfléchir et aussi en essayant de pas prendre un parti pris puisque c'est une controverse et qu'il y a les deux visions. D'accord. C'est chouette, ça. Vous faites ça sous forme de théâtre de rue ou c'est... Alors, les gens, c'est qui ? Ils viennent d'où ? Alors, c'est nous, les gens, en fait. Nous sommes acteurs de notre propre pièce. Mais vous êtes spectateur aussi ? Dans ce projet-là, on était répartis par petits groupes et on faisait chacun dans notre groupe une scénette scientifique. D'accord. Et on peut vous retrouver sur YouTube ? Il y a une adresse oui, sur laquelle on envoie quelques-unes, mais je ne me souviens plus du nom exact. Oh. Je l'enverrai, je le mettrai sur. D'accord, c'est gentil. Non, c'est assez marrant comme concept. On intervenait en fait dans les amphis sous la complicité d'un professeur. Et les gens ne savaient pas, on faisait des interventions théâtrales en fait. Donc on entrait sans que les gens le sachent, on faisait notre scénette et on repartait. On un peu les gens plus ou moins... C'est quoi, c'est 10 minutes, un quart d'heure C'est 10 minutes. 10 minutes. Non, 7 minutes pour être exact. Voilà, et c'était sur le thème, nous on faisait sur le thème de l'aspartame. Donc de la molécule qu'on trouve dans les produits light, du faux sucre. Voilà. Est-ce que c'est. Enfin, sur les questions de santé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que. Voilà. Ah, c'est un bon sujet pour une controverse. Intéressant. Voilà. Et puis autrement, dans cette alternance donc théorique et pratique, vous devez faire des stages? Eh ben exactement. Nous faisons donc nous partons en stage toute la promotion du Master 2 cette année. Nous partons en mars et nous finissons notre cursus par un stage de 4 à 6 mois. D'accord. Et vous avez tous trouvé une place de stage déjà? C'est facile de trouver ou Alors, non, pas vraiment. non? Non, moi, je n'ai pas encore trouvé de stage. Alors, il y en a qui ont déjà trouvé. Après, on est peut-être aussi un peu. Ouais, un peu exigeant. On a envie de trouver quelque chose de bien et d'intéressant. Ah bah ouais. Mais enfin, tout le monde, de toute façon, trouve un stage et tout le monde part en stage. Après, la décision se prend en général en janvier-février. D'accord. Bah, l'appel est lancé. Si Voilà, quelqu'un a une place de stage si quelqu'un intéressante pour voulait chercher Lucille, un stagiaire. tu sais ce que tu cherches? Dans un monde parfait, idéal, comme ça, ce serait quoi le Dans stage qui un te monde conviendrait? parfait, idéal, moi j'aurais bien aimé faire un stage au sein d'une université, une structure de communication, enfin, pour valoriser en fait les travaux des chercheurs de l'université, tout en faisant de la publication d'articles, ce genre de choses. Mais Ok, bah, l'appel est le lancé. grand public ne peut pas te servir un peu de plateforme pour Alors, le faire ton grand. Si, stage? tout à fait. Non, le grand public, à l'heure actuelle, tel qu'il est, le grand public ne sert qu'à publier nos articles, en fait, et à montrer plus ou moins une certaine vitrine du master. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le site n'est pas encore au point. C'est pour le moment un modèle de base qui sert plus ou moins à laisser nos articles. Et il est en projet de refonte en partenariat avec des étudiants des arts décoratifs de Strasbourg. Voilà. Et D'accord. au cours du temps, il devrait être plus fonctionnel et on pourrait avoir enfin, un profil, ce genre de choses, un profil de rédacteur, enfin, avoir plus d'informations. Et en effet, ça serait plus une plateforme qui permettrait aussi une certaine visibilité des acteurs du master. Ok. Donc juste qu'on comprenne bien, le grand public, c'est le journal, c'est la vitrine des étudiants du master. Alors, c'est un journal, ouais, c'est un peu ambigu parce qu'en même temps, c'est une certaine vitrine du master, mais en même temps, quand même on appelle ça un web journal qui se veut assez professionnel et qui parle de la médiation scientifique. En fait, il y en a même pas du tout de journaux sur le web actuellement qui produit des articles spécifiquement sur la médiation scientifique et sur des thèmes de médiation scientifique. Donc voilà, c'était un peu l'innovation du master et ça a très très bien marché. Et voilà, enfin, j'espère que ça continuera, que ça se développera et pour faire vraiment quelque chose de professionnel à l'image du master. D'accord, donc tout le monde y contribue en fait, tous les étudiants du master. Ouais, en fait, pareil, nous sommes par équipe. Alors c'est une équipe qui tourne tous les mois et une équipe de 7. Alors ça se passe comme dans une vraie rédaction en fait. Il y a un rédacteur en chef, un secrétaire de rédaction et après des pigistes. Donc on soumet des thèmes qui sont retenus et choisis sélectionnés par le rédacteur en chef. Après, les gens se répartissent les articles. On a une deadline pour rendre nos articles qui sont après corrigés, puis réécrits et enfin publiés. Comme dans une vraie rédaction. Exactement. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Et le public que vous visez? Alors le public, c'est un public, on va dire, de professionnels en médiation scientifique ou quand même assez avertis sur la médiation scientifique. D'accord. Des gens qui sont passionnés, enfin qui le font professionnels, soit de façon, enfin, soit dans leurs loisirs, mais qui ont un lien. On ne vise pas, c'est toute l'ambiguïté du titre, on ne vise pas le grand public, mais des gens Ouais, qui effectivement, ouais. public. Et en fait, le titre fait référence à. Enfin, c'est une petite blague intermaster. Parce que les gens en médiation scientifique considèrent qu'il n'existe pas de grand public. C'est quelque chose qu'on dit, dont on parle couramment, mais il y a des publics spécifiques. Et parler de grand public, c'est un peu obsolète. C'est trop généralisé, non? C'est trop généralisé, exactement. Voilà, donc c'était pour faire une petite référence. Ouais, bah écoute, je crois qu'on arrive gentiment au bout de l'interview. Mathieu, tu avais quelques questions à poser encore? Moi, je voulais juste revenir sur les modules théoriques qu'on vous enseigne. Il y a quoi, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en fait, au premier semestre, on a plutôt des cours qui sont reliés aux sciences de l'éducation. Donc, on a des cours de théorie de la communication, théorie de l'apprentissage, voilà, et théorie, il y a aussi beaucoup de théorie, donc théorie de l'activité aussi. Et donc, après, on a aussi des cours théoriques sur le journalisme scientifique, donc on voit l'évolution du journalisme scientifique, les problématiques du journalisme. On a des cours théoriques en sciences et images, donc où on voit un peu le rôle des images, le rôle et les enjeux des images dans les sciences, l'évolution. Donc on part des premières gravures pour arriver jusqu'aux photos qu'on a aujourd'hui dans des journaux de vulgarisation. Et on a des cours aussi sciences et médias en Europe. On voit un peu la différence de culture scientifique entre les différents pays, mais aussi les choses qu'on a en commun. Et voilà. Et on a des cours voilà, de gestion de projet, gestion d'entreprise, Ouais. des cours de marketing aussi. Vous avez des cours d'éthique? Des cours d'éthique. Non, on n'a pas de cours d'éthique spécifiquement. C'est des choses dont on parle beaucoup en cours, en fait. Mais on n'a pas spécifiquement un cours d'éthique. D'accord, c'est un peu transverse en fait, c'est Voilà. abordé partout. Exactement. Oui. Et en fait, c'est quoi tes sources d'informations scientifiques ou les sources avec lesquelles vous travaillez dans le cadre de ce master? C'est Internet, on vous propose aussi des agences de presse ou je sais pas, comment ça se passe? Alors, au niveau des sources, on travaille beaucoup avec Internet. En fait, on a une base de données assez importante qui nous est fournie par l'université, qui nous permet d'aller chercher du contenu scientifique, on va dire brut, qu'on trouve dans les revues type Science ou Nature. Ah, donc Après, il y a une base de données dans le cadre de l'école. Ouais. oui. Après, pour ce qui est des connaissances plus globales, voilà, on a par exemple l'Encyclopédie Universalis. Et quand on cherche de l'actualité, on va sur, par exemple, le site qui est un peu une agence de presse d'ailleurs, Alpha Galileo, le site européen, ou Eureka Alert, ce genre de site, quoi. Et après, on affine nos recherches vers d'autres sites, d'autres blogs, ce genre de Ouais, après choses. chacun fait sa recherche personnelle aussi. Exactement, Et oui. toi, tu as des thèmes de prédilection, des domaines qui te plaisent plus que d'autres ou En vue de ma formation, sciences naturelles? je suis plus à l'aise en sciences naturelles, en santé, écologie. Après, bon, il m'est arrivé aussi d'écrire sur de la physique ou de la chimie. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, de façon générale, je suis plus à l'aise rien qu'avec les publications scientifiques sur des thèmes en sciences de l'environnement, en sciences de la santé. Ouais. Ok. Bientôt, tu sauras tout sur les constantes fondamentales de Mais l'univers. je n'attends que ça. Ouais, ça va être un bon test pour voir si je suis un bon médiateur, parce que ça n'a pas été un sujet facile. Exactement. On te mettra une note à la fin. Et est-ce que tu as des modèles dans la médiation, des gens qui t'inspirent? Alors, comme tous les étudiants, je crois, en com scientifique, on nous a un peu, on va dire, éduqués dans les textes et les théories développées par Jean-Marc Lévy-Leblond ou Baudouin Jourdan, qui sont un peu les stars clés de la science en culture, on va dire. Donc voilà, c'est très intéressant, Je je les vous le connais pas, conseille. c'est des Français ou Oui, oui, il y oui, a oui, c'est des de Français des qui ont fait des recherches en fait sur les problématiques de la culture scientifique telle qu'elle est à l'heure actuelle et comment est-ce qu'il faudrait qu'elle soit. D'accord. Voilà. Donc tu as dit Jean-Marc Lévy-Leblond et Voilà, et puis Baudouin Jourdan. Baudouin Jourdan. Et c'est des contemporains. Oui, Ouais. ah oui, ils sont encore vivants. D'accord. Oui. Ouais, Et chouette. Ben c'est parti. voilà, la preuve qu'on est des amateurs crasses. Moi, j'en ai jamais entendu Non, parler. non, pas du tout. Non, Loin de là. mais c'est vachement intéressant. Tu vois, ça nous ouvre d'autres perspectives. Moi, j'avais encore une question pour toi. À tes yeux, le secret d'une bonne communication scientifique, c'est la question bateau. S'il y a un truc comme ça, un petit secret, un petit truc en plus pour réussir sa communication, toi, tu l'as identifié? Moi, j'ai pas vraiment de secret. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est quelque chose qui m'est personnel. C'est justement quand il y a des invités scientifiques ou quand on met en scène des scientifiques, quand on invite des scientifiques à parler de ce qu'ils font pour justement montrer ce côté humain des scientifiques et qu'eux aussi peuvent vulgariser les sciences et ils se mettent à la portée des autres. Et ça réduit un peu ce fossé entre public et scientifique en démystifiant un peu le côté de la scienticité, quoi. Bah, c'est marrant parce que j'ai regardé les statistiques de podcast Science cet après-midi et le podcast qui a eu le plus de succès, c'est l'interview qu'on a fait de Paolo Ricci, donc le physicien en physique des plasmas. Ah ouais. Et c'est celui qui a le plus de downloads. Donc, D'accord. ouais. Donc ça confirme ce que tu dis finalement. Oui, sûrement. Ouais, bon, j'ai peut-être fait une petite erreur de manipulation aussi. Je crois qu'il s'est retrouvé deux fois dans le flux de podcast. Tu sais, comme on a publié la semaine dernière la retranscription, je pensais qu'il fallait faire un lien sur le MP3. Et du coup, il s'est retrouvé dans certains flux RSS. Ah. Enfin, moi, je l'ai retrouvé sur mon téléphone, downloadé à double. Ah. Peut-être que ça fausse un peu la statistique. Mais en tout cas, moi, j'ai exactement le même sentiment que Lucille, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ouais, la science est démystifiée par les gens qui la font, quoi, quand on se rend compte que c'est juste des êtres humains finalement derrière, et puis qu'il n'y a rien de magique, et puis que ouais, tout finalement d'une manière ou d'une autre, en tout cas au niveau des explications, peut être à la portée de tous, quoi. C'est vrai que c'est des moments un peu magiques comme ça quand ça marche, c'est assez génial. Exactement. Mathieu, tu avais encore quelque chose à demander à Lucille ou Lucille quelque chose à ajouter? Écoute, Je crois que j'ai plus ou moins tout dit pour ma part, mais. oui, non, moi je crois que c'est bon là, ouais, on a fait à peu près le tour, je pense. Ben, un immense merci, Lucille, c'était vraiment, vraiment passionnant. Merci de m'avoir invité dans ce podcast. Ah, mais c'est avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Enfin, t'es là d'ailleurs, pratiquement, même si on t'entend pas beaucoup, mais en tout cas pour un épisode sur deux à travers tes illustrations, tu fais partie de la bande. Et puis si tu as envie de prendre l'antenne, enfin, je sais pas si on peut dire ça pour un podcast, hein. Vraiment, c'est quand tu veux. Feel D'accord. free. Alors, on va enchaîner avec le reste de l'émission. Donc, moi, j'avais quelques petites bricoles dont j'avais envie de parler avant qu'on entre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, vous l'aurez compris, c'est le gros dossier de Mathieu sur les constantes fondamentales de l'univers qui nous avait été demandé. Qui c'est qui nous l'avait demandé déjà? Ben, tous les utilisateurs, quand on avait fait le sondage, il y avait plusieurs, il avait le plus de C'est votes. juste, Et ouais, puis en c'est fait, Jenny Parker qui avait lancé le. ah, au départ, ouais, c'est possible. Et puis après, effectivement, ça a été largement plébiscité. Et finalement, c'est celui qu'on fait en dernier, mais c'est celui qui a gagné, mais c'est celui qu'on fait en dernier, mais. Bon, c'était costaud à préparer aussi, il faut Ouais. dire. Mais enfin, avant qu'on sorte l'aspirine. Non, je suis méchant. Allez. Ouais, il y en aura peut-être besoin. Hein. Ouais. Mes petites bricoles. Donc, moi, je voulais rapidement parler de la crise de foi. La crise de foi, tout le monde sait ce que c'est. Et puis, bah, s'il y en a qui ne le savent pas, Wikipédia nous le rappelle. La crise de foi, ça désigne un ensemble de manifestations digestives et neurologiques sans gravité, telles que vomissements et des maux de tête, faisant suite le plus souvent à un repas trop riche. Bah, c'est bien de circonstance, je suppose, en tout cas pour les moins sages d'entre nous en cette semaine de post-semaine de réveillon. Bah, ça sera peut-être un scoop pour certains, je ne sais pas, mais en fait, la crise de foi n'existe pas. Ou plutôt, elle n'existe qu'en France. En Suisse romande, un petit peu. Je ne sais pas pour les autres pays francophones, s'il y a des Belges, des Québécoises, des Québécois ou d'autres francophones dans la salle, votre avis nous intéresse. C'est peut-être une maladie de la langue Mais attends, française. t'es en train de nous dire que la crise de foi existe seulement en France? Ouais. Bah ouais. J'ai un Quand peu je de dis la qu'elle peine à y n'existe croire pas. là. Je dis qu'elle n'existe pas, en fait, les symptômes existent bel et bien, on est d'accord. Mais ce qui n'existe pas, c'est l'implication du foie dans le phénomène. Il n'a juste rien à voir. Donc la plupart du temps, il s'agit simplement d'une indigestion. Donc le rejet d'un repas récent par le système digestif. Le foie, il ne fait pas vraiment partie du système digestif. Il est concerné au deuxième degré, mais enfin d'assez loin, quoi. Donc, il peut aussi s'agir d'une gastrite, d'une intoxication alimentaire ou d'une migraine. S'il y a diarrhée, il peut s'agir d'une gastro-entérite, donc due à des bactéries, à des virus ou à d'autres parasites. Et puis, tout ça, en France ou en région francophone voisine, porte un seul et même unique nom, qui est la crise de foie. Ah, d'accord, ouais. Alors que c'est pas du tout le cas ailleurs, ça s'appelle pas comme ça, quoi. Chacune de ces affections a une origine différente, demande un traitement différent. Et puis, bien sûr, les mêmes symptômes peuvent aussi révéler des pathologies plus graves dans lesquelles le foie peut effectivement bel et bien être impliqué, comme une hépatite virale ou alcoolique, par exemple. Mais bon, c'est en tout cas pas un excès occasionnel de petits fours et de champagne qui risque de déclencher un truc pareil. Ah voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Moi, je suis assez fasciné par ces mythes qui résistent à la science et à la médecine, localement particulièrement. Je connais un autre exemple, tout aussi frappant, c'est en Roumanie que ça se passe. Là-bas, c'est les courants d'air qui sont les causes de tous les maux. Donc, si tu as mal aux dents, tu as mal au dos, tu as une grippe, tu as une migraine, tu as de la fièvre, c'est à cause des courants d'air, en fait. Et les médecins jouent le jeu, ils recommandent solennellement à leurs patients d'éviter les courants d'air s'ils veulent guérir ou éviter de tomber malade. Et puis évidemment, ça déclenche un mouvement de panique généralisée quand tu essayes d'ouvrir une fenêtre pour aérer en plein été, même si les étés sont très chauds. Et j'ai parlé tout à l'heure de tout ça avec Antoine quand il m'a dit qu'il ne participerait pas à l'émission. Et puis il m'a rappelé un autre mythe généralisé, un peu du même genre, c'est celui des cheveux mouillés quand on sort. Donc voilà, c'est démontré que ça ne peut en aucun cas favoriser l'arrivée d'un virus, particulièrement celui de la pneumonie. Mais c'est un truc auquel on continue de croire. Il m'a aussi indiqué qu'au Vietnam, quand tu t'enrhumes, il faut demander à quelqu'un de te faire un massage thérapeutique qui consiste à te gratter vigoureusement le dos avec une cuillère ou une pièce de monnaie. Je trouve ça génial. Donc bon, les vertus thérapeutiques du massage, elles sont plus à démontrer. On le sait, même si on le pratique pas assez souvent. Il y a un réel effet bénéfique pour le système immunitaire avec le massage. Mais enfin, voilà, la cuillère ou la pièce de monnaie, je doute qu'elles aient un grand apport médical. Et puis j'ai un de mes collègues et amis, Engo, qui vient du Madagascar, que j'en parlais tout à l'heure avec lui dans le train, qui m'a dit que à Madagascar, une femme enceinte ne doit surtout pas manger de citrouille, sinon elle risque de se retrouver avec un enfant chauve. Et ne pas trimballer de gingembre dans sa poche non plus, ce qui pourrait créer des malformations des doigts ou des orteils de l'enfant. Donc voilà, on en revient aux superstitions qu'on avait survolées dans l'épisode 13 de Podcast Science, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres dans le genre. Écoute, j'avais lu quelque chose sur les cheveux mouillés qui allait dans ce sens-là, mais ouais, je me rappelle plus exactement. Il y a quand même une mini explication qui tendait à dire qu'avec les cheveux mouillés, on était quand même peut-être un peu plus fragile ou plus exposé à attraper quelque chose. Mais d'une manière générale, c'est vrai que j'avais lu qu'on disait aussi que les cheveux mouillés n'avaient rien à voir avec les virus de la pneumonie ou autre, quoi. Ouais, marrant. Donc voilà, quoi, on est une fois que d'ailleurs, puisqu'on est dans la superstition, j'en profite pour rapidement aborder un autre sujet qui nous a été demandé par notre jeune ami Arnaud, pardon, en commentaire sur le site. Enfin, c'est un commentaire sur l'illustration de Lucille, d'ailleurs, sur la plasticité neuronale. Et le sujet demandé, donc, c'est la télékinésie, que je classe un peu hâtivement dans les superstitions, sans doute, mais bon, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est l'occasion de gagner 1 million de dollars. Alors je vous explique. La télékinésie, ou psychokinèse, c'est selon notre bon ami Wiki, la faculté métapsychique d'agir directement sur la matière, donc en d'autres termes, de déplacer des trucs par la seule force de la pensée. Alors en fait, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on est un podcast qui parle de science et ça, malheureusement, à part ce qu'en pensent certains courants extrêmement minoritaires dans la science, cette discipline ne relève malheureusement pas de la science mais de la parapsychologie. Je trouve ça regrettable d'ailleurs. Je verrais plein d'applications à un tel phénomène comme pouvoir, je sais pas, appuyer sur le bouton du passage piéton à distance histoire que ça passe au vert pile poil au moment où on arrive. Mais bon, j'ai beau me concentrer très fort, si le bouton est subitement enfoncé et que la petite lumière s'allume, c'est que quelqu'un sur le trottoir d'en face a apporté sa petite contribution. Par contre, je trouve que le sujet est une excellente occasion d'évoquer le challenge à 1 million de dollars, justement, de la fondation James Randi, dont vous avez sans doute entendu parler. Mathieu, je sais qu'on en avait parlé une fois. Ouais. Lucille, je ne sais pas si tu connais. On trouve ça sur le site randi.org. On mettra le lien. C'est dommage qu'Antoine, passionné de magie, soit pas là pour nous en parler, parce que James Randi, c'est un formidable illusionniste professionnel qui en même temps est l'un des fers de lance du mouvement sceptique aux États-Unis. Et il se sert de son talent pour démontrer que bien souvent, toutes ces prétendues expériences paranormales peuvent être expliquées par des compétences très habiles de prestidigitation. Et sa fondation propose 1 million de dollars à quiconque pourra démontrer des capacités paranormales dans un cadre contrôlé. C'est-à-dire que le jury et l'expérimentateur se seront mis d'accord au préalable sur le protocole exact de l'expérience, sur les indicateurs qui permettront de démontrer que c'est un simple hasard ou qu'au contraire, il s'est passé quelque chose. Et jusqu'ici, il a lancé ce truc-là il y a plusieurs années déjà. Il y a plusieurs centaines de candidats qui se sont pressés au portillon, tous sincèrement convaincus de leur capacité de soit communiquer avec l'au-delà ou de déplacer des objets à distance ou de voir à travers les murs, de prédire l'avenir. Et puis, ben, malheureusement, ils ont tous complètement échoué dans les conditions du protocole sur lesquelles ils s'étaient pourtant mis d'accord au préalable. Donc voilà, l'appel est lancé. Si quelqu'un a des capacités de télékinésie ou de psychokinèse ou de toute autre capacité du genre, une seule adresse, randy.org, il faut surtout venir surtout dire que vous venez de notre part. Et puis on partagera le million, on s'arrangera. Voilà. Et puis sinon, dans les petites bricoles encore, il y a Franck Pascot qui nous avait demandé, enfin qui nous a proposé un sujet sur les bulles de champagne. C'était par Twitter, Ah, par du génial. réveillon. On n'a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, donc ce sera pour une autre fois. Mais je trouve le sujet top, quoi. Toi, tu connais un peu, Lucille? On a fait quelques recherches là-dessus, justement. Ah! Pourquoi il y a des bulles dans le champagne? C'est assez rigolo, en fait. C'est une histoire d'aspérité sur le verre, des petites poussières qui font que les bulles de champagne se forment au moment où le champagne est versé. D'accord. Si on versait vraiment dans un verre pur et sans aspérité ni poussière, on ne devrait pas avoir des bulles dans le champagne. C'est assez surprenant. On vivrait dans un monde bien triste. Hein. Vive Bien les triste. aspérités. Mais après, la question qui se pose, c'est pourquoi ça se passe au champagne et pas dans le vin? Oui. Alors ça, c'est une autre question. Ouais, on aura l'occasion de revenir dessus. Lucille, si tu veux contribuer au sujet, tu es la bienvenue. Une illustration. Et puis là, sans transition, on va tout de suite attaquer avec du lourd là. Ouais, Ça te va? alors bon, un sujet, les constantes fondamentales de l'univers. Donc, comme on l'a dit avant, un sujet qui nous avait été proposé et qui avait gagné les votes. Bon, un sujet pas facile. J'ai eu un peu de la peine à savoir sous quel angle prendre, en fait. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on en parlait et je réfléchissais. Je savais pas tellement sous quel angle prendre. Puis bon, parce que finalement, quand on regarde un peu de plus près, on peut très vite tomber dans des explications physiques très compliquées, très avancées. Et bon, donc finalement, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais diviser la présentation en trois grandes parties. La première, je vais parler des constantes de la physique d'une manière générale. La deuxième, je vais parler des constantes fondamentales, qui sont un cas particulier, des constantes de la physique. Et pour terminer, je parlerai de comment ces constantes agissent sur l'univers. Alors, faudra quand même s'accrocher un peu. J'ai essayé de faire le plus simple possible, mais c'est difficile de faire simple. Alors bon, pour commencer, les constantes physiques, les constantes de la physique. Donc, bon, ce qu'on appelle une constante physique, c'est une quantité physique dont la valeur numérique est fixe. C'est-à-dire qu'elle possède une valeur dont on a remarqué qu'elle semblait constante et indépendante de tout paramètre utilisé. Donc une constante physique, contrairement à une constante mathématique, implique directement une grandeur physique mesurable. D'accord. Jusque-là, ça va. Bon, il faut. Maintenant, on va voir qu'il y a deux types de constantes physiques. Il y a Le premier type, ce sont les constantes physiques sans dimension ou sans unité. Et le deuxième type, c'est les constantes physiques avec dimension ou avec des unités. Donc, si on reprend le premier type, les constantes sans dimension, elles ne dépendent pas du système de poids et de mesure utilisé. Elles ont donc la même valeur dans tous les systèmes d'unités possibles. Un exemple le plus courant et le plus utilisé pour une constante sans dimension, on parle souvent de la constante de structure fine. C'est une constante qui régit la force électromagnétique qui assure la cohérence des atomes et des molécules. Et cette constante de structure fine, elle a une valeur alpha, on l'appelle alpha, et elle a une valeur qui vaut 7, plus ou moins 7,3 fois 10 puissance moins 3. Mais en fait, il n'y a pas d'unité. C'est 7,3 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, D'accord, c'est... c'est la constante dont tu avais déjà parlé dans un des podcasts science, Ouais, non? je... Qui justement serait peut-être plus tout à fait constante. Ouais, on avait C'est, parlé de c'était ça. ça, hein? Ouais, on avait Ouais. parlé de ça. Et justement, on verra plus tard que si cette valeur change, ça peut avoir des implications assez importantes sur notre univers, en fait. Et donc ça, c'est des types de constantes qui n'ont pas d'unité, qu'on appelle sans dimension. Après, il y a un autre type de constantes qu'on appelle avec dimension, qui ont des unités et qui ont évidemment des valeurs différentes dans des systèmes différents. Par exemple, si on prend la masse de l'électron, l'exprimer en kilogrammes, si on change l'unité, ben, sa valeur va changer. D'accord. D'accord. Donc, ces constantes de la physique, il y en a plusieurs dizaines. On va pas toutes les énumérer, mais elles sont quand même catégorisées en fonction de 5-6 domaines scientifiques importants. On a ce qu'on appelle les constantes universelles, les constantes électromagnétiques, les constantes atomiques et nucléaires, les constantes physico-chimiques, les constantes astronomiques et un groupe assez spécial qu'on appelle les unités de Planck. Donc, si on repasse rapidement un peu chacun de ces groupes, de ces catégories, les constantes universelles, principalement, il y en a trois. Il y a la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Ça, c'est les trois D'accord. constantes universelles de la physique. Après, on a des constantes électromagnétiques, donc il y a la constante électrique, la constante de Coulomb, la charge élémentaire de l'électron et bien d'autres qui interviennent dans l'électromagnétisme. On a les constantes atomiques et nucléaires, comme la constante de structure fine dont on vient de parler, la masse du proton, la masse de l'électron, la masse des particules fondamentales de la matière comme les quarks, les bosons et les autres particules fondamentales. On a des constantes physico-chimiques. Donc, par exemple, il y a l'unité de masse atomique, le nombre d'Avogadro, la constante de Boltzmann, de Faraday, la température de l'eau au point triple. On a les constantes astronomiques. Alors ça, c'est encore assez facile à concevoir. C'est la masse du Soleil, le rayon du Soleil, la masse de la Terre, le rayon de la Terre et d'autres. Alors la dernière catégorie qu'on appelle les unités de Planck. Donc les unités de Planck, elles sont constituées de ce qu'on appelle la masse de Planck, la longueur de Planck, le temps de Planck, la température de Planck et quelques autres. Et en fait, ce sont des unités qui sont définies de façon à ce que les constantes universelles, donc quand on parle de constantes universelles, on a dit avant que c'était la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. Ouais. Donc en fait, ce sont des unités qui sont définies de façon à ce que ces constantes universelles aient une valeur de 1. Donc on s'arrange pour essayer de créer un nouveau système d'unités avec ce qu'on appelle une masse de Planck, une longueur de Planck, un temps de Planck, et on s'arrange pour avoir des conversions qui permettent d'obtenir une valeur de 1 pour la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt de nouvelles échelles qui permettent de manipuler les constantes facilement, en fait, Voilà, ces unités de exactement, Planck. Ouais, exactement. d'accord. Ça facilite les OK. calculs d'avoir toutes ces valeurs à 1. Alors, ça c'est pour les constantes de la physique, d'une manière générale. Maintenant, on va regarder quelles sont les constantes qu'on appelle fondamentales. Donc, en physique, la notion de constante fondamentale peut prendre deux significations. On peut dire qu'une constante est fondamentale si elle a une grandeur fixe sans dimension, sans unité, c'est ce dont on a parlé avant, et donc une grandeur fixe sans dimension qui intervient dans les équations de la physique. Ça, c'est le premier cas de constante fondamentale. Il y a un deuxième cas qu'on définit comme une grandeur fixe dont la valeur ne peut pas être prédite par la théorie. Alors, on va regarder un peu de plus près ces deux types. Ouais, c'est pas très intuitif comme Non, ça, non, ça mais saute pas aux yeux tout de ouais, suite. ça va l'être un peu plus. Donc, dans la première catégorie, il s'agit tout simplement des constantes physiques sans dimension, dont on a parlé avant. Donc, qui ne dépendent pas du système de poids et de mesure utilisé. Donc, toutes les constantes physiques sans dimension, on peut les considérer comme des constantes fondamentales. À la différence des constantes mathématiques qui ne possèdent pas non plus de dimension, donc les constantes mathématiques n'ont pas d'unité, comme les constantes physiques sans dimension, les valeurs de ces constantes fondamentales physiques sans dimension ne peuvent pas être calculées par les mathématiques. Elles sont déterminées par la mesure physique. Donc ça, c'est la grande différence avec les constantes mathématiques. D'accord, donc elles sont là en fait, on peut juste les constater, mais on... Ouais, mais elles ne se déduisent pas d'un calcul mathématique. Ouais, d'accord. Ou pas encore, disons. Ok. Dans le modèle standard de la physique, donc, on considère qu'il existe 26 constantes physiques fondamentales sans dimension. Initialement, on en avait calculé 19, puis au fur et à mesure de nouvelles découvertes, de nouvelles recherches, ça a été en augmentant, et maintenant on en est à 26. D'accord. Donc, il y a évidemment la constante de structure fine dont on a parlé avant, qui est la plus connue et une des plus importantes, mais on retrouve aussi des masses de particules fondamentales, comme les quarks, les bosons, les leptons, qui, dans le modèle standard, n'ont pas de dimension. Après, si je crois, je suis pas sûr, mais quand on rentre dans des modèles de mécanique quantique, tout ça, il y a des notions de dimension qui apparaissent, mais en tout cas pas dans le modèle standard de la physique. Et donc, on peut imaginer qu'une nouvelle constante devrait probablement être nécessaire pour décrire les propriétés de la matière noire et essayer de faire avancer aussi les théories sur l'énergie noire. Donc ça pourrait aussi, la matière noire et l'énergie noire, faire l'occasion d'un podcast. Mais donc voilà, en gros, donc il y a dans la première catégorie des constantes fondamentales de l'univers, c'est les constantes de physique sans dimension. Ouais. Dans la deuxième catégorie, ce sont des constantes physiques qui possèdent une dimension, mais qui sont considérées comme constantes universelles. Leurs valeurs ne sont connues que par la mesure expérimentale. Et en fait, elles ont été mises en avant par un institut qui s'appelle le National Institute of Standards and Technology. Et elles sont souvent utilisées comme facteur de conversion afin d'homogénéiser une équation, c'est-à-dire à n'utiliser que des grandeurs sans unité. Parce qu'en fait, ces constantes, elles ont une dimension, elles ont une unité, mais on essaie de les faire intervenir dans les équations pour que le résultat n'ait plus d'unité. D'accord? C'est-à-dire Ouais, que je suis les... pas sûr de suivre, mais tu vas nous donner un exemple. Non, l'idée c'est de dire si on a une équation et que le résultat, ça donne par exemple, des mètres par seconde, en rajoutant une de ces constantes universelles qui a une unité, on essaye d'annuler les mètres secondes et d'avoir un résultat sans unité. Ah, donc c'est les unités de Planck que tu évoquais tout à l'heure. Non, pas exactement. Là, Ah, mince. oui, enfin, oui et non. En fait, dans cette seconde catégorie, je parle justement des constantes universelles, qui sont les trois constantes dont on a parlé avant, la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. D'accord? Alors, oui. Alors, en fait, on va revenir un petit peu après sur les unités. Mais c'est vrai que t'as pas tout tort en fait, quand tu dis que ça revient sur les unités de Planck qui permettent d'unifier une valeur à 1 et de quitter les unités aussi. C'est-à-dire qu'à la place de manipuler une notion compliquée comme 300 000 mètres secondes, on va dire que ça vaut 1 quelque chose. 1, mais 1. sans unité. Ouais, d'accord. D'accord? Ok. Et donc bon, la vitesse de la lumière, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. La constante de gravitation aussi, ça intervient dans la force de gravitation. La constante de Planck, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins. La constante de Planck, elle est utilisée pour décrire ce qu'on appelle la taille des quantas. Un quanta, ça correspond à la plus petite mesure indivisible. Parce qu'en fait, on voit que dans des échelles infiniment petites, l'énergie rayonnante, la lumière par exemple, c'est discontinue. C'est pas une onde dans l'infiniment petit. Et le quanta, c'est une sorte de grain qui compose cette énergie. Donc la constante de Planck, elle sert à décrire la taille de ces quantas. Et D'accord. elle joue un rôle central dans la mécanique quantique, justement, qui traite de tous ces sujets. Et elle a été nommée grâce au physicien Max Planck, un grand physicien, qui lui a donné son nom. Et entre autres, elle relie cette constante de Planck, l'énergie d'un photon avec sa fréquence. Elle permet de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que l'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par sa fréquence. Ok, si tu le dis, je te crois sur parole. Ouais, moi aussi, je crois sur parole. Hein. Et bon, on agite. On a ajouté à ces trois constantes, on a ajouté parfois d'autres constantes universelles comme la constante électrique, mais généralement on considère ces trois constantes. Donc on voit qu'en Ok. physique, les constantes fondamentales représentent un sous-ensemble de l'ensemble des constantes physiques décrites en début du dossier. Donc les constantes fondamentales, je résume rapidement, on a les constantes physiques sans dimension, comme la constante de structure fine, et les trois constantes universelles qui sont la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. Ok. D'accord. Donc maintenant, comment ces constantes agissent sur l'univers? Les valeurs numériques d'un certain nombre de constantes physiques ayant une dimension, comme on l'a dit auparavant, peut être normalisées à 1. Mais si les unités de temps, longueur, masse, charge et température sont choisies adéquatement. Et quand on choisit adéquatement ces unités, on crée un nouveau système d'unités résultant qu'on appelle un système d'unités naturelles. Donc il y en a plusieurs de ces systèmes d'unités naturelles, dont l'un, c'est les unités de Planck dont on a parlé avant, qui permettent de donner une valeur 1 aux trois constantes universelles. Mais on peut en imaginer d'autres aussi. Et donc on voit par exemple que les valeurs numériques de la vitesse de la lumière, de la constante de gravitation, de la constante de Planck, de Coulomb, de Boltzmann et de quelques autres sont toutes 1 lorsqu'elles sont exprimées dans le système d'unités de Planck. D'accord. Mais c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'équation d'Einstein avec E égale mc carré, où je crois que c'est le c qui équivaut à la vitesse de la lumière, c'est ça? Oui. En fait, c'est 1c à la place de 300 000 mètres secondes. Alors, on remplacerait ouais, par 1 la valeur là. Et Ouais, d'accord. dans Ok, le nouveau système je... d'unité de Planck. Si j'ai bien Ok. compris, hein, moi j'ai compris comme ça. Mais je ne suis pas expert. Mais j'ai compris comme ça, ouais. Top. Et donc, ça c'est pour les constantes physiques à dimension. On peut utiliser l'unité de Planck pour leur donner une valeur à 1. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de constantes physiques qui sont sans dimension. Celle d'avant, c'est avec dimension, je crois que je me suis trompé. Donc là, c'est sans dimension. Et ne peuvent pas non plus être donc les constantes sans dimension ne peuvent pas être éliminées des systèmes d'unités, comme on l'a fait auparavant. Leurs valeurs sont déterminées expérimentalement. Et donc la plus connue, la constante de structure fine, il n'y a aucune théorie qui explique pourquoi elle possède la valeur qu'elle a. D'accord. Et la liste des constantes fondamentales sans dimension augmente lorsque les expériences mesurent de nouvelles relations de différents phénomènes physiques. On voit apparaître de nouvelles constantes fondamentales sans dimension. Et décroît lorsque la physique théorique démontre comment certaines d'entre elles peuvent être calculées à partir d'autres plus fondamentales. D'accord? Ok, ouais, logique plus. D'accord, ouais. Donc on voit aussi que finalement la chimie se réduit de plus en plus à la physique au fur et à mesure que les propriétés des atomes et molécules peuvent être calculées par le modèle standard de la physique. Et c'est l'objectif de la physique théorique de trouver les principes fondamentaux pour que le plus grand nombre de constantes fondamentales sans dimension puissent être calculées plutôt qu'estimées empiriquement. D'ailleurs, il y a un cosmologiste qui s'appelle Martin Rees qui a écrit un livre qui s'appelle Just Six Numbers, donc juste six nombres, qui décrit six constantes sans dimension dont il juge les valeurs comme fondamentales pour décrire la structure de l'univers. Et ça rejoint un peu l'idée de la grande théorie du tout unificatrice qui devrait idéalement pouvoir réduire le nombre de constantes fondamentales à zéro. Bon, lui, il les a réduits à 6, c'est quand même pas mal, mais l'idée, C'est déjà un progrès. c'est de les éliminer, ces constantes fondamentales. Donc l'objectif du physicien est justement de trouver une théorie qui n'aurait pas besoin de poser la valeur de constantes fondamentales. Ouais, je comprends bien, parce qu'en fait, on les comprend pas, on sait pas les calculer, on sait pas d'où ça On sort, les c'est mesure. juste posé là, c'est comme ça, et puis... Mais on voit qu'elles existent, qu'on les mesure, qu'elles ont une valeur, mais elles ne sont pas expliquées. Alors certaines, petit à petit, elles sont expliquées par des calculs mathématiques, mais après il y en a des autres qui apparaissent, et il faut toujours essayer de réduire un minimum les constantes fondamentales finalement. Et donc la question qu'on se pose est de savoir combien de ces constantes résultent purement de considérations mathématiques et combien représentent autant de degrés de liberté pour de possibles théories physiques valides. On sait que l'univers serait très différent si ces constantes prenaient des valeurs différentes de celles qu'on observe. Par exemple, un petit pourcentage différent dans la valeur de la constante de structure fine serait suffisant pour éliminer les étoiles comme le Soleil. Ouais, c'est ce que t'expliquais quand tu avais traité le sujet la première fois. En fait, notre univers est comme il est parce qu'on est pile poil au bon endroit par rapport à Ouais, cette bon, on va constante justement un petit de peu, structure fine. on va un petit peu en parler après. Donc, cette constante de structure fine qu'on appelle alpha sans dimension, c'est en fait quand on regarde la formule pour l'obtenir, on voit que c'est une combinaison de la charge de l'électron, de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck. Donc, au premier abord, on serait tenté de penser qu'un monde où la vitesse de la lumière serait plus lente, ce serait un monde différent. En fait, c'est une erreur. Parce que les valeurs de la charge de l'électron, de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck si ces valeurs avaient changé, mais la valeur de la constante de structure fine reste inchangée, le nouveau monde résultant serait au thème d'observation pas distinguable de notre montre actuelle. Ah ouais, mais ça, on en est sûr. Bah, on a... Écoute, j'ai lu ça me paraît un petit peu bizarre, effectivement, mais visiblement, c'est ce qui se passe. Parce qu'ils disent que la seule chose qui compte dans la définition de monde différent, c'est la valeur des constantes sans dimension. Donc, par exemple, un changement dans la valeur de la constante de structure fine. D'accord. Et dans les trois constantes universelles, si elles variaient, alors peut-être pas dans de grandes amplitudes, mais en tout cas, c'est ce qui était écrit. Que si elle varie, c'est pas ça qui implique vraiment un changement majeur dans notre univers ou dans le monde qu'on perçoit. C'est surtout les constantes sans dimension. Ok. Et donc tout ça amène des implications sur les quatre forces fondamentales. Donc tu te rappelles, on a déjà parlé des quatre forces fondamentales. Il y a la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Et la faible. Donc, on voit que si... Donc, toutes ces forces, finalement, sont régies par ces constantes. Ces constantes interviennent dans le calcul de ces forces. Et donc, si la force de gravitation était plus puissante que ce qu'elle est, de ce qu'on mesure actuellement, elle serait capable d'accumuler plus de gaz lors de la formation stellaire et seules des étoiles massives se formeraient. Donc, du coup, ces dernières auraient une durée de vie beaucoup plus courte que notre Soleil. Et la vie n'aurait donc pas à sa disposition les milliards d'années qui lui ont été nécessaires pour se développer sur Terre. Au contraire, si la force de gravitation était plus faible, seules des étoiles peu massives se formeraient. Et il n'y aurait pas d'explosion de supernova et aucun élément plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium n'apparaîtrait. Or, une vie uniquement fondée sur ces deux éléments est très difficile à imaginer. Si on regarde l'interaction électromagnétique, si elle était plus forte, les liens entre noyaux électrons à l'intérieur des atomes seraient plus solides et plus difficiles à défaire. Or, c'est en partageant certains de leurs électrons que les atomes créent des liaisons chimiques et s'organisent en molécules. Si cela devenait trop difficile, toute chimie serait impossible, ce qui empêcherait la vie de se développer. Si par contre l'interaction électromagnétique était plus faible, les liens entre électrons et noyaux seraient moins solides, ceci rendrait les atomes très fragiles et empêcherait probablement la chimie de la vie. Si on regarde pour l'interaction nucléaire, si elle était plus puissante, l'interaction nucléaire, protons et neutrons seraient beaucoup plus disposés à s'associer et ils formeraient systématiquement des éléments lourds. Il n'y aurait par exemple pas d'hydrogène, donc pas d'eau, ce qui défavoriserait sérieusement la chimie de la vie. Ouais. Et si cette interaction nucléaire était moins intense, protons et neutrons seraient moins enclins à s'assembler, il n'y aurait donc pas d'éléments plus lourds que l'hydrogène, donc pas de vie. Et pour ce qui concerne l'interaction faible, le problème de l'interaction, ça se poserait principalement juste après le Big Bang, à l'époque où une partie des neutrons se désintègrent en protons. C'est juste avant une phase qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Alors j'ai juste regardé en gros ce que ça voulait dire. Ouais. C'est visiblement juste après le Big Bang, une phase dans laquelle des neutrons et des protons s'associent pour créer des noyaux, donc en différentes proportions pour créer des noyaux de différents éléments chimiques, si j'ai bien compris. Mais bon, disons, okay. L'interaction faible, donc, si elle était plus puissante, plus de neutrons seraient transformés en protons et il n'y aurait pas conséquent moins d'hélium dans l'univers. Ceci empêcherait plus tard la formation de certains éléments lourds nécessaires à la vie. Et si l'interaction était plus faible, les neutrons ne se désintégreraient pas et la nucléosynthèse primordiale conduirait à un univers rempli d'hélium. L'hydrogène, ingrédient indispensable à la vie, serait absent. D'accord, donc en d'autres termes, c'est un réglage vachement subtil qui fait que tout ça est possible. Ouais, alors justement, ça amène la question des univers multiples et des multivers, parce qu'on pourrait dire que chacun d'entre eux, chacun de ces univers multiples, avec des valeurs différentes pour ces constantes, on pourrait imaginer différents univers avec des valeurs différentes pour ces constantes. Et la question est de savoir pourquoi les constantes de notre univers sont-ils si bien réglées, comme on l'a dit, qu'elles ont pu amener l'émergence de la vie intelligente. Il semblerait que notre univers a exactement les propriétés requises pour que l'homme, ou plus généralement la vie, puisse apparaître. Donc, on pourrait se poser la question si la vie... Alors, je ne veux pas rentrer dans des théories créationnistes, hein, ce n'est pas mon genre, mais c'est un petit côté créationniste que je veux dire, je trouve. Attention, maintenant tu nous as achevé, ou presque. Non, mais je crois qu'il y a des scientifiques qui se positionnent aussi de ce côté-là. Hein. Ce n'est pas non plus complètement farfelu. Mais On pourrait dire que on pourrait se poser la question si la vie ne serait pas finalement le but de l'univers. Parce que d'un point de vue métaphysique, on pourrait énoncer que l'univers possède les propriétés nécessaires à l'appariation de la vie, car telle est sa raison d'être. C'est une hypothèse qui porte le nom de principe anthropique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est la première fois. Le principe anthropique, c'est un truc assez bizarre. C'est de dire en fait que ce serait notre existence qui, a posteriori, ferait que notre univers et ses lois doivent être de la manière qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est la propre existence de l'humanité qui conditionnerait la nature des lois de la physique pour que la vie puisse apparaître. Et alors, c'est un principe, je crois, assez philosophique, mais il y a aussi des scientifiques qui se positionnent un peu là-dessus. Mais bon, voilà, j'arrive un peu au bout du dossier. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que finalement, en résumé, on peut dire que l'univers est composé de trois éléments. Il est composé d'une scène, il est composé d'acteurs, et il est composé d'une mise en scène. Donc la scène, c'est ce qu'on appelle le continuum spatio-temporel, ou c'est le tissu espace-temps dont on avait déjà parlé dans la théorie des cordes de la théorie de la relativité d'Einstein. Donc le tissu espace-temps d'Einstein, ce serait la scène. Sur cette scène, on aurait des acteurs, l'énergie et la matière, qu'on appelle aussi l'actuum, et il existe une mise en scène, c'est-à-dire des règles du jeu, où les lois de l'univers régies par, finalement, les constantes fondamentales. Bah ça c'est une manière bien anthropique de de voir la chose. Je trouve ça très très poétique. Ça donne raison à Shakespeare. Ouais, mais disons, on amène un peu ces principes anthropiques, tout ça, parce qu'il y a, ces constantes fondamentales sans dimension, on n'arrive pas à expliquer pourquoi elles ont ces valeurs-là. Donc, on essaie d'imaginer des explications, et l'une, ce serait que ce soit notre propre existence qui donnerait finalement ces valeurs à ces constantes. comment dire? C'est toujours un peu compliqué ces questions-là de toute façon, parce que c'est vrai qu'on sait qu'on perçoit la réalité à travers nos sens. Nos sens sont limités, on ne sait pas ce qu'on loupe, et puis on n'est même pas trop sûr de ce qu'on perçoit finalement. Un son existe à l'état naturel, mais si personne ne l'entend, finalement, est-ce qu'il existe vraiment, quoi? Enfin, on est un peu dans ces questions-là, quoi. Je sais pas trop quoi dire, en fait, il faut que je médite un peu. Non, mais d'ailleurs, tu verras, la quote est un peu liée à ça, elle est de Stephen Hawking, et dans la quote, je vais tout de suite la dire. Ouais, vas-y. Bon, on va se détendre, du coup. Alors, il faut juste que je la retrouve. Donc c'est Stephen Hawking, donc le fameux physicien paralysé dans sa chaise roulante, Il se positionne un peu dans cette idée-là, aussi dans celle de la mécanique quantique, parce qu'il dit « We create history by our observation rather than history creating us. » D'accord. En gros, on crée l'histoire par nos observations plutôt que l'histoire ne nous crée. Voilà, exactement. On crée l'histoire. Oui, mais l'histoire, c'est différent, parce que l'histoire, c'est une réalité qui est chargée de sens. Et puis le sens, c'est vrai que c'est nous qui le créons. Enfin, finalement, on en revient à la question du sens de tout ça. Oui, mais bon, quand il parle d'histoire, il parle d'évolution de l'univers et tout ça aussi. Ouais, c'est vrai. Il parle d'une brève histoire du temps. Ouais. C'est le titre d'un de ses livres. Il pense pas forcément à l'histoire humaine. Ok, bon bah écoute, moi je vais écouter, réécouter ton sujet. Ouais non, c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais non, effectivement. Ça m'a refait me plonger dans mes cours de terminale avec les équations, les trucs. La physique. Très intéressant. Mais oui, il faut que je réécoute aussi. Ça se digère pas en une fois. Non. Et j'ai essayé de faire simple. Hein. J'essaie d'être un bon médiateur. Je sais pas si j'ai réussi. C'est un beau challenge. Hein. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Puis on va très vite dans des explications, justement, dans des domaines de la physique, où si on n'est pas expert, on peut vite se perdre. Ouais. Ouais, et puis c'est peut-être aussi une des limitations de l'exercice, c'est-à-dire que tout n'est pas simple et tout n'est pas simplifiable, et il n'y a pas toujours des métaphores pour tout. Il y a certaines choses qui sont extrêmement compliquées, puis c'est tout, quoi. On est dans l'abstrait, c'est ouais. Ouais. Ouais, surtout que ça amène après des questions un peu fondamentales, métaphysiques. Pourquoi ces Exactement. constantes ont ces valeurs? Pourquoi nous on est là et on peut les mesurer? Y aurait-il un autre univers avec des autres valeurs de ces constantes? Ouais, bon, ça laisse le champ ouvert à la science-fiction, à toutes sortes d'idées absolument fabuleuses. Mais de notre côté, c'est vrai qu'on est tenté par des raccourcis, quoi, de se dire, voilà, s'il y a ces réglages, s'ils sont comme ça et pas autrement, c'est que quelqu'un a dû les faire. On est dans les biais de confirmation, en fait, pour revenir à un autre sujet qu'on avait déjà fait. On se limite à ce qu'on arrive à imaginer, quoi. Non, mais c'est pas, je crois pas que c'est dire quelqu'un les a fait, c'est te dire que voilà, si elles ont cette valeur, c'est qu'il y a une bonne raison qu'elles aient cette valeur. Ça veut pas dire que forcément quelqu'un les a créées toutes pièces, mais c'est dire voilà, si elles ont ces valeurs, c'est qu'il y a des bonnes raisons qu'elles aient Mais ces quand on dit qu'il y a valeurs. des bonnes raisons, c'est qu'il y aurait une intention derrière, non? C'est Ouais, là que je trouve ouais. l'exercice un peu délicat. Bon, je pense qu'on vivra pas assez vieux pour avoir la réponse. Pour qu'on réduise le nombre de constantes Ah bon, tu sais que inexplicables à une, voire zéro. si le LHC, non, pourquoi pas, hein? Non, moi je crois que C'est vrai. j'imagine assez d'ici une vingtaine d'années ou trentaine d'années commencer à essayer d'unifier Moi, la théorie. je pense qu'on se posera encore plus de Alors questions dans une ça peut vingtaine durer d'années. beaucoup plus longtemps, mais par exemple, comme on a parlé de la théorie des cordes, la théorie M, qui est un peu la généralisation de la théorie des cordes, si elle arrive à être confirmée par les expériences, ben, ce serait une théorie qui pourrait unifier toutes les explications, par exemple. Et ça, la théorie M, théoriquement, elle est là. Après, maintenant, il faut la valider. Mais ça peut être, entre guillemets, quelques dizaines d'années pour la valider, pas si longtemps que ça, si elle est validable. Bon, on croise les doigts, on touche du bois, tout ça, pour rester dans les superstitions. Moi, franchement, je pense qu'on va sortir de tout ça avec plus de questions que de réponses. Je suis presque sûr que dans une vingtaine d'années, on aura de nouvelles constantes. Même si on a réussi à régler celle-là, on aura d'autres trucs. Ah oui, Je sais pas, ça, ouais. on verra. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci et bravo. C'était vraiment un sujet costaud, j'aurais jamais pu m'y attaquer. Oui, T'as fait bravo. ça. Ouais. T'as fait ça de main de maître. C'était top. Ouais, C'est vrai. bon, j'espère que les gens comprendront parce que c'est vrai que ça peut vite être compliqué. Mais bon, voilà, on verra les commentaires des poditeurs, ce qu'ils en pensent. Ouais. Ah ouais. En étant bien concentré, en tout cas, accroché à sa chaise et puis en écoutant chacune de tes paroles religieusement, moi, tout le long, eu l'impression de suivre, de comprendre. Par contre, à chaque fois que je me disais, ouais, mais attends, ça, par rapport à ce qu'il a dit il y a 2 minutes, c'est là que j'étais perdu. C'est pour ça que je pense qu'il faut le réécouter plusieurs fois. Faut le digérer. Ouais. Et ne pas faire de crise de foi. Exactement. Ok, Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Ok, très bien. Et puis, Lucille, on retrouve probablement une de tes illustrations la semaine prochaine. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, ouais. Ou La toi semaine de en personne, l'expression. bien sûr, si tu le souhaites. Oui, une autre fois, T'es peut-être. toujours la bienvenue. C'est Tu peux même gentil. faire du prosélytisme dans ton université pour s'il y a des étudiants qui ont envie de participer pour parler de quelque chose. Nous, on est ouvert aussi. Ah bah oui. Oui, éventuellement. Ouais, Ça serait c'est vrai, c'est vrai. une petite chronique. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, j'en parlerai, tiens, c'est une bonne idée ça. Cool, bah, ça c'est très chouette. Ok. Excellent. Ben voilà, pour le numéro 18 de Podcast Science. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 19. D'ici là, une excellente semaine. Ok, allez, ciao, ciao. Ça. À tout bientôt. Ciao.